Lance sur la radio, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Famarhaban bikum jami'an ya l'ikhwa wa l'akhawat, auditeurs et auditrices qui nous suivez sur la radio Bilal Al-Kini en collaboration avec le collectif pour le savoir et la miséricorde parmi les adeptes de la Sunna de la ville de Montpellier. Hafizahumullah jami'an. Donc bienvenue à toutes et à tous, barakallahu fikum jami'an, dans cette série qui se veut être une série d'études concernant deux sujets cruciaux de la religion, al-aqidah ou al-fiqh, c'est-à-dire concernant l'étude de la croyance que nous étudierons dans les assises du lundi, bi-idhnillahi azza wa jal, et dans les assises du mercredi nous aborderons al-fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, bi-idhnillahi azza wa jal. Et ces deux sciences sont des sciences fondamentales dans l'islam et essentielles aux musulmans. En effet, le musulman ne peut se passer d'apprendre ces deux domaines, car il a besoin de connaître son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, d'avoir une foi qui est correcte, et avoir un culte exclusif, accompli, exclusivement voué à Allah, accompli en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qu'on en aborde dans le fiqh, sur le comment des adorations. Et donc, je vais aujourd'hui, dans cette assise d'aujourd'hui, bi-idhnillah, faire un préambule, c'est-à-dire que dans le sujet de la aqida, nous allons étudier l'épître Thalathatul Usul, Insha'Allah Ta'ala, à travers les explications de l'allama al-faqih, l'allama al-sheikh Ubaid ibn Abdillah ibn Suleyman ibn Ali al-Jabiri al-Hamdani rahimahullah. Et donc, avant de commencer cette série à proprement parler, c'est-à-dire le livre en lui-même, j'aimerais dans l'assise d'aujourd'hui faire quelques introductions concernant des points essentiels et très importants dans l'étude du savoir. Et on va faire cela en 10 points. Bi-idhnillahi azza wa jal. Le premier des points que je souhaiterais aborder avec vous, barakallahu fikum, c'est sur l'importance de l'apprentissage en islam. En effet, les gens qui ont du savoir en islam et les gens qui en sont dénués ne sont pas égaux. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 9 de sourate Az-Zumar a dit « قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » C'est-à-dire dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?»« إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ » Certes, ce sont ceux qui sont doués de raison qui se rappellent. Et donc en islam, le statut de l'apprentissage de la science est un statut qui est noble, un statut qui est élevé. Et l'apprentissage de la science, lorsqu'il est accompli avec la foi en Allah et la foi correcte, ceci est une cause d'élévation. En effet, dans le verset 11 de Surat Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné « يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ » C'est-à-dire que certes, Allah élèvera ceux qui parmi vous ont cru, et ceux qui parmi vous ont reçu le savoir, il les élèvera en degrés. Donc le fait d'être croyant est une cause d'élévation. Mais le fait d'avoir la foi et d'avoir la science est une cause d'une seconde élévation. Sachant que comme les ulama l'ont clarifié, la science passe par l'apprentissage, car comment vas-tu avoir foi en quelque chose que tu n'as pas connu, que tu n'as pas étudié, que tu n'as pas compris? Donc c'est un sujet très important. Et les ulema ont expliqué que la personne qui fait des efforts dans l'apprentissage de la religion islamique afin d'adorer Allah sur une clairvoyance et sur une conformité au texte, ceci, c'est-à-dire son apprentissage de la religion dans cet objectif-là, est un signe qu'Allah lui veut du bien. Sur quoi se sont-ils basés? Ils se sont basés notamment sur le hadith rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari et dans le sahih de l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din » C'est-à-dire quiconque à l'égard duquel Allah azza wa jalla aura voulu du bien, il lui accorde de la compréhension dans la religion. Et l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avait mentionné que concernant ce hadith, il y avait ce qu'on appelle « mafhum al-mukhalafa ». C'est-à-dire que ce hadith avait son sens apparent, le fait que celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde de la compréhension dans la religion. Mais l'inverse est également vrai. C'est-à-dire celui à l'égard duquel Allah n'aura pas voulu du bien, alors il ne lui accorde pas de la compréhension dans la religion. Et la quête du savoir est une obligation. C'est une obligation. En effet, la base, c'est que le musulman a été créé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et ceci passe par l'apprentissage. Tu connaîtras ton Seigneur par la quête du savoir. Tu adoreras ton Seigneur avec une science et une clairvoyance de par la quête du savoir. Et donc, la quête du savoir est un élément prérequis afin d'établir les bases de ta religiosité. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans le sunan de l'imam Ibn Majah, dans un hadith qui a été considéré hasan par les gens de science, avait dit « Talab al-ilm faradatun ala kulli muslim » C'est-à-dire que la quête du savoir est une obligation qui incombe à tout musulman. Et bien entendu, il n'y a pas ici une spécification de sexe. Dans le sens, ça ne veut pas dire que ceci exclurait les musulmans. Non, les musulmans sont comprises dans la généralité de ce texte. À partir du moment où la personne fait partie des mukallafin, c'est-à-dire que la personne est aqil, un individu est aqil, il a la raison, et il est balir, et il est quelqu'un qui a atteint la puberté, il a des obligations qui lui incombent en islam. Non, il y a des obligations qui lui incombent en islam, et il se doit de connaître ses obligations, afin de pouvoir savoir comment les accomplir. Et le hadith rapporté par Umm Salama montre la diligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers le ilm al-nafi'. En effet, il est authentiquement rapporté du prophète alayhi salatu wa sallam, d'après Umm Salama radiallahu anha, qui a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tous les matins, après la prière d'Al-Fajr, la prière obligatoire, demandait à Allah la science bénéfique en lui disant « Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan saliha » et dans une riwaya mutaqabbala. Donc le début du hadith est « al-shahid », c'est le point qui nous concerne ici. C'est-à-dire « Allahumma, ô Allah, inni as'aluka, certes je te demande, ilman nafi'an » une science bénéfique. Et l'imam Al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali, dans son livre Fadl al-Ilm al-Salaf ala Ilm al-Khalaf, avait rapporté un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection contre une science qui n'est pas bénéfique. Il avait dit Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. C'est-à-dire, ô Allah, je cherche le refuge auprès de toi contre une science qui ne bénéficie pas. Donc, la science bénéfique est celle qui va donner des fruits. Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, parmi les ulama de la ville de Médine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, avait mentionné que la science est étudiée, c'est-à-dire que la science est apprise dans le but d'œuvrer, tout comme les œuvres sont accomplies dans le but d'être sauvées. Non. Ceci était un bref rappel concernant le premier point. Le deuxième point que je souhaiterais aborder avec vous, barakallahu fikum, c'est concernant le fait que, étant donné que nous on a compris par ce bref rappel, on s'est remémoré l'importance de l'acquisition du savoir, de l'étude de la religion de l'islam, et que l'on a vu que c'était une obligation. Donc, à partir du moment où nous savons que la quête du savoir est une obligation, ça veut dire que la quête du savoir est une adoration. Car tout ce qu'Allah ordonne ou recommande, ça fait partie de ce qu'il aime et agrée. Et donc, ça veut dire que ça fait partie de la généralité de ce qu'on appelle l'ibad, l'adoration. Et l'adoration ne sera acceptée de ta part que si elle est accomplie avec sincérité envers Allah, c'est-à-dire on lui voit une intention pure et sincère et exclusive, dénuée de toute forme d'ostentation et de forme de polythéisme, et que cette œuvre est accomplie en conformité à la pratique du prophète, alayhi salatu wasalam. Et donc, il y a ici, donc dans ce deuxième point, je souhaiterais aborder avec vous le sujet de l'ikhlas. Car avant de commencer cette série, qui est une étude de la aqida, et qui, dans les jours du mercredi, sera une étude du fiqh, on se doit de se rappeler pour qui on fait cela, pourquoi on fait cela, afin de s'assurer de la rectitude de notre intention tout au long du processus. Et donc, le noble cheikh Abdullah Al-Dhufairi Hafidhahullah, dans une de ses épîtres concernant les 10 bases dans l'acquisition du savoir, avait mentionné concernant la bonne intention, il avait dit « C'est que l'individu voue son intention à Allah dans la quête du savoir. lui vouant à travers ceci un culte exclusif. Ne désirant pas par la quête du savoir être quelqu'un qu'on écoute, être quelqu'un de célèbre, ou cherchant à obtenir une quelconque part de ce bas monde, que ce bas monde contient. Et donc quiconque voue son intention exclusivement à Allah, alors Allah lui accorde la réussite et le récompensera pour son agissement, car la quête du savoir est une adoration et elle en est même une des plus grandioses. Et le serviteur et le cher Abdullah, hafidhahullah, avait mentionné que le serviteur ne sera récompensé pour son œuvre que s'il l'a accompli exclusivement pour Allah le Très-Haut, tout en suivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a dit dans le verset « Inna Allaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun » c'est-à-dire « Certes, Allah est avec ceux qui le craignent pieusement et ceux qui sont bienfaisants. » Et il a mentionné que le summum de la piété, la plus grandiose forme de la piété, c'était avoir une intention purifiée, une intention pure, une intention vouée exclusivement à Allah. Le fait de purifier son intention. Et celui qui étudie le savoir par ostentation, le cheikh a mentionné que celui qui apprend la religion de l'islam par ostentation pour être vu, pour être l'objet d'éloges, et ainsi de suite, il a expliqué que celui qui étudie le savoir par ostentation, en plus de sa ruine dans ce bas monde, c'est-à-dire qu'il a causé sa perte, il sera châtié dans l'au-delà, comme il est venu au sein d'un hadith concernant les trois qui seront jetés sur leur visage en enfer, et parmi eux, il y avait un homme qui aura appris le savoir afin qu'il soit dit de lui que c'était un savant, et ceci fut dit de lui. Ceci était le deuxième point que je voulais aborder dans cette assise. Le premier point est donc était concernant l'importance de l'apprentissage en islam. Le deuxième point était concernant la sincérité en islam, notamment dans la quête du savoir, qui est une des plus nobles adorations par lesquelles on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À présent, j'aimerais aborder le sujet de notre cours, de notre série du lundi, c'est-à-dire al-aqida, le dogme, la croyance. Samahat al-Sheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, dans son livre Aqidat al-Tawhid, qui est un livre de présentation de la croyance authentique, avait expliqué que la croyance, dans le sens linguistique, c'est lié à la notion de rattacher quelque chose, al-aqd, le fait d'attacher quelque chose. Ça renvoie à la notion d'attacher quelque chose. Et lorsque l'on dit qu'une croyance, une aqida est salima ou hasana, c'est-à-dire que c'est une bonne croyance, c'est quand elle est une croyance qui est exempte de doute. Donc la aqida, c'est un acte du cœur. C'est ce que le cœur a comme foi envers quelque chose, qui croit en la véracité d'une chose, au caractère vrai d'une chose. Et Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué, c'est-à-dire le terme aqida, qu'est-ce que cela voulait dire dans le contexte religieux ? C'est-à-dire que lorsque l'on parle de religion et que l'on parle de aqidah, qu'est-ce que ça concerne? C'est la foi en quoi? Le cheikh a mentionné les six piliers de l'islam. La foi donc en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses messagers, la foi en ses livres, c'est-à-dire les livres qu'Allah a révélés, la foi au jour dernier et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ces éléments sont les six piliers de la foi. Donc, umumen, lorsque l'on parle de aqida, ceci concerne principalement ces six piliers de la foi. Et beaucoup d'autres sujets de aqida sont compris dedans. Par exemple, pour vous donner un exemple, les ulema ont expliqué que la foi au jour dernier comprend également les éléments qui sont des signes annonciateurs précurseurs de la venue du jour dernier, comme les signes mineurs et les signes majeurs, mathalan. Non. Ensuite, concernant l'apprentissage de la aqida, c'est-à-dire étudier le dogme, étudier la foi, étudier la croyance dans ses bases, est-ce que c'est de l'ordre de ce qui est permis, ou est-ce que c'est de l'ordre de ce qui est recommandé, ou est-ce de l'ordre de l'obligation, c'est-à-dire que c'est une obligation religieuse qui t'incombe, ya Abdallah. Elle t'incombe de façon obligatoire, c'est un devoir religieux de passer du temps à cela. Quel est le jugement? Samahat al-Sheikh Saleh al-Fawzan, dans son livre Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad, avait mentionné que l'apprentissage de la croyance islamique est une obligation qui incombe à tout musulman, afin qu'il en connaisse ses sens, ce sur quoi elle est établie, puis qu'il en connaisse ce qui l'oppose, ce qui l'invalide et ce qui l'anéantit, comme forme de polythéisme majeur ou mineur. Et Allah a mentionné dans le Coran « فَعْلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ » le verset de Surat Muhammad, dont le sens en français est le suivant, et sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et implore, demande le pardon pour ton péché. Et concernant l'importance de la aqidah sahiha, c'est-à-dire son importance, la aqidah, le dogme saint, le dogme correct, le dogme islamique, a une haute place en islam. Mais également, son apprentissage est d'une très haute importance. Et on en a besoin vital. Et il en découle des fruits dans la vie du serviteur qui sont indénombrables. Et parmi les fruits et les points relatifs à cette aqidah sahiha, notre noble cheikh Khalid ibn Dahwi al-Dhafiri, dans son introduction de son livre « Adhim al-Minnah », qui est un livre de croyance islamique, avait mentionné plusieurs éléments relatifs à l'importance de la aqidah et l'importance de son apprentissage et des bienfaits qui découlent de son apprentissage. Et parmi les points qu'il a mentionnés, il en a mentionné 6. Et nous allons les énumérer bi-idhnillah ensemble, afin que l'on médite et que l'on se rende compte ô combien nous avons besoin de mettre en place ce genre de cours, et ô combien nous avons besoin d'assister à ce genre de cours, ô combien ceci est important, ô combien ceci est bénéfique pour nous, si seulement nous méditions à la juste valeur. Parmi les éléments qu'il avait mentionnés, le premier élément, il avait mentionné la noblesse du sujet de cette science. Car le sujet de la science de la aqidah, le sujet de la aqidah, ça parle de quoi? Le sujet qui est abordé lorsque l'on parle de croyance, principalement le sujet de cette science, c'est Allah. Et le cheikh a expliqué que plus le sujet d'une science est noble, plus cette science elle-même sera noble. Quelle science peut être plus noble que la science qui parle d'Allah, dont le sujet principal est Allah subhanahu wa ta'ala? Donc de par la noblesse de cette science, on doit lui accorder de l'importance. Sachant que, là j'ajoute une faïda, que Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah avait mentionné dans un de ses ouvrages que l'humanité a été créée par rapport à deux sagesses. L'adoration d'Allah et sa connaissance. C'est-à-dire l'adoration d'Allah, le fait de lui vouer un culte exclusif. Et ceci est établi notamment dans le verset de Surat al-Dhariyat, le verset numéro 56, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais également, il y a une autre sagesse derrière la création de l'humanité, notamment le fait qu'on connaisse Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fut mentionné par Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim. Et il a prouvé ce point en mentionnant le verset numéro 12 de Surat al-Talaq, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ard mithlahun yatanazzalu al-amru baynahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma » C'est-à-dire que Allah est celui qui a créé les 7 cieux et il a créé les terres dans un nombre similaire, c'est-à-dire au nombre de 7. Et l'ordre, c'est-à-dire son commandement, sa révélation descend entre eux. Lita'lamu, afin que vous sachiez que Allah est de toutes choses capable et que Allah cerne toutes choses de son savoir. Ceci fut la preuve qui légitima et qui étaya le point avancé par Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, que l'humanité donc a été créée, les êtres humains notamment, ont été créés par rapport à l'adoration d'Allah, mais par rapport au fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit impérativement être dans nos priorités le fait d'apprendre la aqidah, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, connaître ses noms, connaître ses attributs. Sachant que le prophète alayhi salatu wasalam avait mentionné qu'Allah possède 99 noms. Quiconque les énumérera, c'est-à-dire les retiendra, rentrera au paradis. Mais ceci n'est pas simplement limité au fait de mémoriser. Cheikhuna Cheikh Khalid al-Dhafiri avait enseigné que pour concrétiser le ajr, la récompense, la rétribution qui est mentionnée dans ce hadith, qui est l'introduction au paradis, qu'Allah me l'accorde ainsi qu'à vous, c'est par le fait de concrétiser 3 étapes. La première, c'est de mémoriser les 99 noms divins. La deuxième, c'est d'en connaître et d'en comprendre les sens. La troisième, c'est d'œuvrer en conformité avec ce qu'ils impliquent. Et Cheikh al-Islam al-Qayyim, comme notre Cheikh Khalid al-Dhafiri l'avait mentionné dans son explication de l'Ummat al-Atiqad, avait mentionné que chaque nom d'Allah a une dévotion religieuse qui lui est propre. C'est-à-dire qu'il y a une manière par laquelle tu adores Allah qui est liée à ses noms. Comme par exemple, le fait que tu sais qu'Allah est As-Sami'u al-Basir. Il est celui qui voit toutes choses et qui entend toutes choses. Il est l'audient, il est le clairvoyant, subhanahu wa ta'ala. Donc il a l'attribut de l'ouïe et de la vue. Ta dévotion religieuse qui ce yani qui découlera de ta, dans ta vie, de ta connaissance de ces noms et de ce qu'ils impliquent comme sens, sera que tu œuvres en public et en privé avec à l'esprit en permanence que ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala te voit et t'entend à tout moment. Ceci aura un impact dans ta vie. Ceci aura un effet dans ta vie. Ceci rectifiera tes mauvais penchants et te poussera vers l'adoration et la diligence religieuse. Wa billahi ta'ala at-tawfiq. Donc ça, c'était le premier point que Cheikh Khalid Adhafiri avait mentionné concernant la noblesse de ce sujet, du sujet de cette science. Car le sujet principal de la science de la aqida, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, que la croyance authentique va être une cause empêchant le serviteur de tomber dans ce qui anéantit le tawhid et la menuit. Car celui qui a appris sa croyance correctement connaîtra le tawhid sous ses formes diverses et manifestations et connaîtra également le shirk. Il va étudier et donc va connaître le shirk sous ses différentes formes. Il y a des formes de shirk qui anéantissent le tawhid du serviteur, le rendant mécréant, l'expulsant de l'islam. Mais il y a des formes de shirk qui sont des formes de shirk de type mineur, qui amenuisent, amoindrissent le tawhid, portent atteinte au tawhid du serviteur, affaiblissant sa foi, mais ne l'expulsant pas pour autant de la religion de l'islam, faisant de lui un croyant, toujours du nombre des musulmans, mais à la fois faible, à la fois déficiente, ayant un manquement dans son tawhid, ayant un manquement dans sa religiosité. Troisième point, le fait que la rectification de la croyance fait partie des plus grandes causes d'entrée du paradis. Non. Le point suivant, le quatrième point, que la croyance authentique est une cause empêchant la résidence éternelle en enfer, et elle est une cause d'absolution des fautes et ainsi que d'une élévation en degré. Et ça, c'est parmi les fada'il du tawhid. Le fait qu'Allah a promis, subhanahu wa ta'ala, que les adeptes du tawhid ne résideront pas éternellement en enfer. C'est-à-dire que nous avons su à travers la révélation que le monothéiste, il rentrera directement au paradis, ou s'il est amené à passer par l'enfer, ce sera qu'un passage temporaire, qui, suite auquel il rentrera, il se verra octroyer la permission de pouvoir rentrer au paradis. Donc sa finalité, la finalité du monothéiste, c'est le paradis. Et il échappera à la résidence éternelle en enfer. Et le tawhid est une cause d'expiation des péchés et une cause d'élévation en degré. Oh, comme sont grandioses les fruits qui découlent de l'apprentissage du tawhid et de la concrétisation du tawhid dans la vie du serviteur. Le quatrième point, ou plutôt le cinquième point, excusez-moi, c'est que la croyance authentique est une cause de préservation contre l'innovation et du fait d'emprunter la voie des innovateurs. Le sixième point, que la croyance authentique est une protection, une forteresse pour le serviteur contre les ambiguïtés, c'est-à-dire les doutes et les mauvaises conceptions et les mauvaises compréhensions dans la religion, et les shahawat, les désirs et les pulsions illicites. Car la personne qui a une aqida sahiha, ceci va influer dans sa vie. Ça va influer dans sa vie. Par exemple, le fait d'avoir la foi dans les anges, dans le fait qu'Allah te voit et t'entend, ça influe sur ta vie. Ça va t'aider à délaisser le haram. Le fait que tu crois dans les anges, le fait que les anges notent tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu écris, que tu sais que tu vas le retrouver contre toi yawm al-qiyama, ta foi dans les anges, ta foi dans le jour dernier, va faire que tu sais que si tu fais ce haram, même si les êtres humains ne le savent pas, même si les êtres humains ne t'en empêchent pas, Allah t'a vu, les anges ont inscrit, tu rendras des comptes sur cet acte ignoble que tu as accompli, que tu le fasses en public ou en privé. Donc le fait d'avoir une foi forte dans ces éléments-là va avoir un impact positif dans ta vie et t'aider à lutter contre le fait d'assouvir tes pulsions dans l'illicite. Wabillahi ta'ala tawfiq. Et donc, Cheikh Khalid Adhafiri, dans sa muqaddima, avait dit que donc, par ce noble statut et sa grande importance, la grande importance dont jouit la croyance authentique, les gens de science ont fait d'énormes efforts dans l'explication de celle-ci aux gens et dans sa clarification avec ses preuves. Et donc là, nous allons aborder dans le cinquième point. Le cinquième point est concernant les types de livres de aqid. C'est-à-dire que les livres de aqid, les livres abordant la croyance, sont de deux catégories. Comme nous l'a enseigné notre cher Khalid ibn Dahoui al-Dhafiri. Cheikhuna nous a enseigné que les livres de Aqidah sont de deux. La première catégorie est une catégorie de présentation de Aqidah, de présentation et de clarification de la Aqidah, simplement, et qui n'est pas axée sur la réfutation. C'est basé sur la présentation et la clarification du dogme. Et il y a de nombreux livres dans cette catégorie. Des livres qu'on va appeler avec le nom du Tawhid, Kitab al-Tawhid d'Ibn Khuzaymah, ou Kitab al-Tawhid de Cheikh l'Islam Muhammad al-Tamimi, ou Bismil Iman, par exemple l'Iman de Ibn Manda, par exemple, ou encore Al-Shari'a de l'Imam al-Ajurri, ou Al-Sunnah d'Al-Khalal, ou Al-Sunnah de l'Imam Abdullah, fils de l'Imam Ahmed, ou Usul al-Sunnah de l'Imam Ahmed, ou Sharh al-Sunnah de l'Imam al-Muzani, ou Usul al-Sunnah de l'Imam al-Humaydi, et ainsi de suite. Ce sont des livres qui ont pour vocation de clarifier la aqida, de présenter la aqida, de clarifier la croyance. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de livres de croyance. Ce sont ce qu'on appelle Kutub al-Rudud, des livres de réfutation. Et ils sont de trois catégories. La première catégorie, c'est des livres de réfutation concernant une bid'a, une innovation en particulier. Comme le livre de l'imam al-Sizzi aux gens du Yémen de Zubayd. Il a fait un livre qui s'appelle Al-Rad ala man ankara al-harf wa al-sawt, qui était un égarement que certains individus avaient émis concernant l'attribut de la parole, l'attribut divin de la parole, du fait qu'Allah parle. Subhanahu wa ta'ala. Ils avaient un égarement dans ce sujet-là. Il a écrit un livre spécifiquement sur cette innovation. Donc la première catégorie de livres de Rudud, c'est les livres de Rudud sur une innovation en particulier. La deuxième catégorie de livres de Rudud, de livres de réfutation, c'est des livres de réfutation qui focalisent sur une secte en particulier. Comme Rad ala al-Jahmiya wa al-Zanadiqa. L'imam al-Darimi a écrit un livre contre eux. L'imam Ahmed a écrit un livre célèbre contre eux. Non. Donc ça, c'est une réfutation contre une secte particulière. Ensuite, la troisième catégorie de Kutub al-Rudud, c'est les livres de réfutation sur un individu, un mubtadi' en particulier. Comme, كمثلاً, Naqd al-Bishr al-Marisi, qui était un innovateur à tendance mu'tazilite. Non. Et donc, il a été réfuté par plusieurs imams de la Sunna. Donc, je récapitule. Les livres de l'aqidah sont de deux grandes catégories. Les livres de présentation de l'aqidah, les livres de réfutation. Les livres de présentation de l'aqidah, on a clarifié ces livres-là. Ensuite, les livres de réfutation contiennent trois catégories. La première est celle qui réfute une innovation particulière. La deuxième catégorie est celle de la réfutation d'une secte particulière. La troisième est celle de la réfutation d'un innovateur en particulier. Et donc, dans les livres de l'aqidah, il va y avoir des livres, et c'est le sixième point dans notre assise d'aujourd'hui. Le sixième point de notre assise d'aujourd'hui, qui est concernant ce que l'on appelle les moutounes. J'aimerais aborder dans ce sixième point, sur la dizaine que l'on va aborder aujourd'hui, dans ce sixième point, j'aimerais aborder avec vous, barakallahu fikum, l'importance des moutounes et de leur mémorisation. Les mutun, le terme mutun est le pluriel du mot matn, que l'on pourrait traduire par épître. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des livres qui sont conçus par les ulema, qui sont de façon générale concis, résumés, contenant l'essentiel à savoir dans un aspect ou dans une partie d'un domaine. C'est un livre qui se veut concis dans le but d'être souvent mémorisé. En général, il est conçu avec l'objectif d'être mémorisé. Donc, les motounes vont être conçus avec l'objectif d'être mémorisés et d'être étudiés. Et ceci afin de consolider les acquis scientifiques. Et ceci est l'effort pédagogique et plein de mansuétude de la part de nos ulema à l'égard de la communauté scientifique et de la communauté musulmane de façon générale. Et donc, nous allons bénéficier de certains propos tenu par Samahat al-Sheikh Saleh al-Fawzan dans son explication de Thalathat al-Usul. Car dans sa série, dans la première cassette, il avait recommandé aux gens de mémoriser l'épître de Thalathat al-Usul, qui est le sujet de notre série, que nous allons commencer dans les jours à venir, bi-idhnillahi azzawajal, ou plutôt que nous avons commencé par des points introductifs aujourd'hui, mais le livre en lui-même sera abordé, à proprement parler, dans l'assise de la semaine prochaine. Incha'Allah ta'ala. Et donc, concernant les moutounes, il avait dit que les gens qui assistent au cours, à son cours, devaient essayer de mémoriser Thalathat al-Usul, de mémoriser l'épître, de mémoriser la partie qui allait être expliquée. Et il a dit un point important. Il avait dit que talabulam biduni hifd la yabqa. C'est-à-dire que la quête du savoir, c'est-à-dire donc l'acquisition du savoir que tu vas faire, ce savoir ne restera pas avec toi si tu ne mémorises pas. C'est un point important. Ô combien sont nombreux nos frères ou nos sœurs parmi les gens qui s'affilient à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, min ahli sunna, qui ont connu la sunna et qui s'affilient à la sunna depuis 10 ans, mais qui sont balbutiants, ils sont hésitants concernant des sujets de base lorsqu'ils sont questionnés, même par leur propre famille. Parce que ils n'ont pas assisté à des assises? Si, ils ont fait l'effort. Ils n'ont pas assisté à des séminaires? Si, ils ont fait l'effort. Mais où est le problème? Est-ce qu'ils ne sont pas sincères? Ils sont sincères. Pour une bonne partie d'entre eux, on sait qu'ils sont sincères. Or, du moins, on a la bonne opinion du fait qu'ils sont sincères. Et le tawfiq vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais alors, où est le problème? Le problème réside souvent dans le problème dans la manhajiyya, dans la méthode avec laquelle on apprend la religion. La religion s'apprend avec une méthodologie, ce qu'on appelle al-manhajiyya fi talab al-ilm, la méthodologie à suivre dans la quête du savoir. Et donc, si la personne suit la méthodologie, alors il aura le succès. Et la méthodologie dans la quête du savoir passe par la mémorisation des épîtres. Cheikh Al-Fawzan, dans son introduction, que vous pouvez trouver dans son ouvrage, dans son explication de Thalathat al-Usul, a dit: nous avons cette épître devant nous, entre nos mains, et c'est l'épître des trois fondements. Et c'est une épître splendide et concise, étayée par les preuves venant du livre d'Allah et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette épître aborde un grand fondement parmi les fondements de l'islam, et c'est la croyance, al-aqida. Et les savants accordaient de l'importance aux ouvrages concis, ils en écrivaient, s'épuisaient dans leurs efforts afin de les rendre concis et de les parfaire, puis ils les faisaient mémoriser à leurs étudiants, afin que ceci soit une base en eux, qui reste en eux, dont ils bénéficieraient eux-mêmes et dont ils feraient bénéficier autrui. Et le fait de commencer par les ouvrages concis, c'est la base pour les étudiants en sciences. En effet, l'étudiant en sciences apprend petit à petit les éléments de base du savoir ainsi que ses fondements. Puis il évolue graduellement dans son apprentissage. Donc je vous incite, barakallahu fikoum, à mémoriser l'épître de Thalathat al-Usul. Car nous allons l'étudier passage par passage, avec les explications de Cheikh Obeid al-Jabiri, principalement, et les explications d'autres mashaykh, notamment ceux avec lesquels j'ai étudié cet épître. Walil al-Hamd. Et le septième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est concernant taqid al-ilm. Il convient de venir avec un support électronique ou un support papier afin de pouvoir noter ce que l'on appelle al-fawa'id, les enseignements bénéfiques, les leçons bénéfiques. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens sont confrontés à un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut noter? On a des extrêmes dans nos assises. C'est-à-dire que dans les assises des gens de la sunna, on voit nos frères parmi les gens qui veulent le khair, qui veulent apprendre. Mais ils ne savent pas comment on fait pour noter. Donc on retrouve celui qui ne note rien, il écoute simplement. Mais le problème, c'est que beaucoup de ce qu'il a entendu, il va l'oublier rapidement. Et d'un autre côté, on a un autre extrême, celui qui essaye, alors qu'il n'en est pas encore capable, de tout noter. Cherchant à tout noter, tout répertorier, alors qu'il sait qu'il n'en a pas la capacité encore. Il s'épuise rapidement et finit par délaisser, soit la prise de notes, soit délaisser la quête du savoir, tout simplement. Quel est le juste milieu? Le juste milieu consiste à noter les éléments primordiaux. Parmi eux, ce que je vais mentionner n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont parmi les éléments que nos mâchères, nos gens de science, nous recommandent de noter. La première chose que je vais mentionner dans ce sujet-là, c'est at-ta'rifat, les définitions. Il est impératif de connaître les définitions et d'essayer de les mémoriser, parce que ceci nous permet de connaître et de comprendre les concepts dans l'islam. Par exemple, quelle est la définition de l'islam? Quelle est la définition de la foi? Quelle est la définition de la mécréance? Quelle est la définition du polythéisme? Quelle est la définition de l'hypocrisie? Ce genre de choses doivent être connues, selon la définition, expliquées, détaillées par les ulema, afin que notre compréhension de ces choses, de ces termes, de ces concepts et de ce qu'ils englobent et impliquent soit une compréhension saine, basée sur les textes, à la lumière de la compréhension de nos ulema, qui sont nos modèles et qui sont nos guides, bi-idhnillahi azawajal, dans la compréhension de la religion de l'islam. Ensuite, le deuxième élément important à prendre en note, en plus des ta'rifat, en plus des définitions, c'est ce qu'on appelle at-taqsimat, c'est-à-dire les catégorisations. Par exemple, le polythéisme, le shirk, se divise en deux. Le shirk majeur, le shirk mineur. L'hypocrisie se divise en deux. L'hypocrisie majeure, c'est ce qu'on appelle le nifaq al-i'tiqadi, il y a l'hypocrisie dans la croyance qui rend mécréant, tandis qu'il y a le nifaq al-amali, l'hypocrisie mineure qui ne sort pas de l'islam, mais qui met en danger le serviteur. Donc ça, ce sont des catégorisations. Donc le shirk se divise en deux, le tawhid se divise en trois, l'hypocrisie se divise en deux, le kufr, la mécréance se divise en deux, par exemple. Ça, ce sont des choses, comme Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'avait mentionné, celui qui maîtrise les taqsimat, c'est-à-dire les catégorisations, va maîtriser, il y en a beaucoup de choses dans sa religion. Car ça te permet de conceptualiser les choses dans ta religion de manière synthétique. Bi-idhnillahi azawajal. Wa billahi ta'ala tawfiq. La troisième chose, le troisième élément que je souhaiterais mentionner et que je vous incite à essayer de le noter, c'est donc après avoir essayé de noter les tarifat, les définitions, at-taqsimat, les catégorisations, il y a le fait de noter al-furuq. Al-furuq, c'est-à-dire les distinctions. Qu'est-ce que c'est ? Par exemple, justement, quand on parle du shirk akbar et du shirk asghar, le shirk majeur et le shirk mineur, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Ça, c'est une catégorisation. Taïb, mais quelles en sont les distinctions ? Comment on distingue ? Par exemple, parmi les furuq, les distinctions entre les deux, comme notre cheikh Khalid Adhaferi nous l'a enseigné, le shirk mineur ne te sort pas de l'islam. Le shirk majeur, si. Le shirk mineur, Yanni n'annule pas toutes les œuvres. Le shirk majeur, si. Le shirk mineur ne te condamne pas à l'enfer éternel. Le shirk majeur, si. Donc ça, ce sont trois, par exemple, distinctions qui nous permettent de distinguer entre le shirk mineur et le shirk majeur. Donc, il faut comprendre et noter les définitions, at-ta'rifat, les catégorisations, at-taqsimat, ensuite les furuq, les distinctions qui nous permettent de distinguer entre les différents concepts et les différentes définitions et catégorisations que l'on assimile. Également, les règles. Les règles, les dawabit ou les qawaid. C'est-à-dire les règles à petite portée, les dawabit, et les règles à grande portée, les qawaid. C'est-à-dire des grands principes. Pour vous donner un exemple de règle, de principe qui est important. Cheikh Ubayd al-Jabri, dans son explication de Thalathat al-Usul, avait dit Al-aslu fil ibadat. La base concernant les adorations, c'est l'abstention associée à un texte. Donc ça, c'est des principes, des règles, des principes, des règles, des fondements ou des grands principes de la religion que l'on doit essayer de noter, si on peut de les mémoriser, mais au moins d'en retenir l'essence. D'en retenir l'essence, c'est très important. Non. Ensuite, concernant ce point-là, donc une fois qu'on a fait la prise de notes, est-ce que ceci se limite à ça ? Non, barakallahu fikum. Il faut avoir de la révision. Il faut avoir de la révision. C'est-à-dire que la personne doit, comme le noble cheikh Abdullah al-Bukhari l'avait mentionné, la personne doit dédier dans son emploi du temps un temps lil muraja'ati, lil mafhum wa lil mahfouz ayda. C'est-à-dire qu'on doit avoir un temps dans lequel on révise les choses que l'on comprend, les fawaïd, les enseignements, que l'on ne mémorise pas, mais que l'on révise en tant que concept, c'est-à-dire des notions que l'on révise, on relit, on répète, de façon à retenir et à mémoriser le sens du concept, et il y a des choses que l'on mémorise telles quelles. Donc ce qui va être mémorisé telles quelles, c'est-à-dire avec les formulations telles quelles, ça va être l'épître, salatat al-usul, les définitions, les catégorisations, ce genre de choses. Et après, dans les explications, on va les réviser, afin que ce soit frais dans notre esprit, que ce soit bien assimilé. Et à force de le faire, plus la personne révise, plus la personne revoit, plus la personne revoit les concepts, plus ce qu'il assimile fait partie de lui et reste avec lui. Mais il faut une révision régulière. La personne qui le peut, au moins chaque semaine, doit réviser. C'est-à-dire, par exemple, le cours d'aujourd'hui. Il faut qu'il soit revu, son contenu de tes prises de notes, tu dois le revoir, son contenu, durant la semaine. Il ne faut pas que tu arrives au cours de la semaine suivante et on te pose la question, est-ce que tu peux nous rappeler les 10 points essentiels autour desquels tournait la locution du premier cours, et tu t'en rappellerais. Parce que si tu agis de la sorte, le bénéfice que tu tires de l'assise de science devient minime. Il y a quand même un bénéfice. Tu as l'adoration de la quête du savoir, tu as l'adoration de l'assise, de participer aux assises de savoir, mais tu n'en tires pas les fruits comme il se doit. Car au final, si à l'assise numéro 2 tu arrives, tu as oublié l'assise numéro 1, l'assise numéro 3, tu arrives en ayant oublié l'assise numéro 2. Tu arrives à la fin du livre en ayant oublié tout le livre. Et au final, tu passes au livre suivant, tu as oublié le livre précédent. Ce n'est pas ça qui est voulu par l'action, par l'apprentissage de la science. Ce qui est voulu, c'est que le livre premier 1, le livre 1, 2, 3 reste avec toi, dans ton quotidien, dans ta vie, dans ta pratique. C'est ça l'objectif. Et donc l'épître, le huitième point que je souhaiterais aborder avec vous sur les 10 de cette assise, le huitième point est concernant la présentation de cette épître, celle qu'on appelle « Thalathat al-Usul ». Et vous avez sûrement déjà entendu cette épître être appelée « Al-Usul al-Thalatha ». Taïb, lequel de ces titres est le bon ? Cheikh Saleh Ali Cheikh, Hafidhahullah, parmi les ulémas d'Arabie Saoudite, Hafidhahullah, avait mentionné dans son explication de « Thalathat al-Usul » qu'à la base, le titre « Thalathat al-Usul » et « Al-Usul al-Thalatha » sont deux titres différents de deux ouvrages différents. Thalathat al-Usul étant le titre du livre que l'on va étudier, c'est-à-dire celui qui commence par Bismillahirrahmanirrahim, Ya'lam rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. C'est-à-dire le livre qui commence par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous incombe à tous, yani d'apprendre quatre points. Donc cette épître-là est celle que l'on appelle Thalathat al-Usul. Tandis que l'autre épître qu'on appelle Al-Usul al-Thalatha, c'est la version de ce livre, mais qui est adaptée pour les enfants. C'est une version adaptée pour les enfants. Mais de nos jours, l'épître pour les adultes a été nommée et surnommée par beaucoup de gens avec les deux titres. Donc il n'y a pas de mal à cela. Mais c'était un élément bénéfique à savoir. Et justement, parmi les fada'il et les spécificités qu'a ce livre, car ce livre-là, vous entendrez rarement un des ulémas parmi les ulémas contemporains, si ce n'est que ce savant-là, dans sa vie, il a mémorisé ce livre, l'a étudié et l'a enseigné au moins une fois dans sa vie, en général. Beaucoup de ulémas, parmi nos, notamment nos ulémas contemporains, parmi les décédés parmi eux et les ulémas qui sont encore vivants, qu'Allah les préserve tous et fasse miséricorde aux défunts parmi eux, ont expliqué cette épître une fois ou plusieurs fois dans leur vie. Cette épître est essentielle. Pourquoi ? Cheikh Saleh Ali Cheikh a mentionné que ce livre comporte la réponse aux trois questions de la tombe, qui sont les interrogations qui émaneront des deux anges à l'attention du serviteur, concernant son Seigneur, sa religion, son prophète. Et ce sont donc ça les trois fondements, à savoir la connaissance qu'a le serviteur de son Seigneur, qui est l'objet de son adoration, celui qu'il adore, la connaissance qu'a le serviteur de sa religion, à savoir la religion de l'islam avec les preuves, la connaissance qu'a le serviteur de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc de cela provient l'importance de cette épître, car elle contient énormément de fondements du tawhid et de la religion. Et dans les annotations de bas de page de cette partie de l'explication de Samahat al-Sheikh, il a été mentionné la partie du hadith de Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, dans laquelle il est dit فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجَالِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهِ. C'est-à-dire que lorsque le défunt sera enterré, mis en terre, alors فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ, deux anges viendront à lui. Et comme vous le savez, ce sont les deux anges nommés Munkar wa Nakir. Et فَيُجَالِسَانِهِ, ils le feront s'asseoir. فَيَقُولَانِ لَهِ, ils lui diront alors مَنْ رَبُّكْ, qui est ton Seigneur? رَبِّي اللَّهِ فَيَقُولْ Rabbi Allah, il dira mon Seigneur est Allah. Fayaqulani lah ma dinuk, et ils lui diront alors quelle est ta religion? Fayaqul dini al-islam, c'est-à-dire ma religion est la religion de l'islam. Fayaqulani lah, ils lui diront alors ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, quel est donc cet homme qui fut suscité parmi vous, c'est-à-dire envoyé parmi vous? Fayaqul huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le messager d'Allah. Al-Hadith. Et donc ceci est la partie du Hadith que je souhaite vous mentionner. Que je souhaitais vous mentionner. Barakallahu fikum. Donc on voit que ce sujet est important. Et ne soyez pas leurrés par le diable, barakallahu fikum, en pensant que la simple connaissance de ces réponses suffit. C'est-à-dire que toute personne est capable de dire, quand on le questionne sur la religion musulmane de son vivant, que quelle est la divinité des musulmans. Il va dire Allah. Il sera capable de le dire. Même le munafiq est capable de le dire. Mais le munafiq, qu'Allah me préserve ainsi que vous de l'hypocrisie, qu'elle soit une forme majeure, sous sa forme majeure ou mineure, l'hypocrite sera incapable de répondre. Lorsqu'il sera questionné, dans une des riwayas du hadith, il est rapporté qu'il dira « Ha, ha, je ne sais pas. J'ai entendu les gens tenir un propos et je me suis contenté de le répéter. Pourtant, dans la dunya, il était capable de répondre et de prétendre croire en Allah, croire en son messager sallallahu alayhi wa sallam, croire être du nombre des musulmans. Mais donc, ce qui va distinguer cet homme-là de celui qui aura le succès de prononcer les réponses correctes, c'est celui à qui Allah aura accordé le raffermissement lors de la fitna, l'épreuve de la tombe. Qu'Allah m'accorde ainsi qu'à vous de réussir lors de cette épreuve. Donc, il faut étudier avec sincérité, connaître Allah. Combien de gens, si on leur demande combien de temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avant de recevoir la prophétie, ils ne savent pas. À quel âge il est mort, ils ne savent pas. Quand est-ce qu'il a perdu sa mère, ils ne savent pas. Quand est-ce qu'il a perdu son grand-père, ils ne savent pas. Quand est-ce qu'il a perdu son oncle, ils ne savent pas. Quels sont les, yani, quand est-ce qu'est survenu l'Isra ou le Mi'raj, qui est un des éléments majeurs de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savent pas. En quelle année Yanni, il est né, ils ne savent pas. En quelle année il est mort, ils ne savent pas. Ils ne connaissent ni sa date de naissance, ni sa date de décès. Sachant que la date de naissance est sujette à divergence, mais celle de mort, non. Donc des éléments basiques concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne les connaissent pas. Et quand on voit leurs enfants, c'est encore pire. Et les enfants sont souvent à l'image de leurs parents, malheureusement. Donc il faut se remettre en question, il faut se ressaisir. Cette connaissance d'Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de la connaissance de l'islam, avec l'épreuve, c'est une connaissance qui te sauve dans ta vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ton au-delà commence avec ta tombe. Donc il faut que tu accordes du sérieux, du temps. Lorsque le cours est annoncé, sois-y présent. Ne le rate pas. C'est bien plus important que ce que tu veux faire en dehors de cela. Car l'apprentissage des bases du dogme, de la base de la connaissance vis-à-vis d'Allah, de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la connaissance des bases de l'islam afin de pouvoir pratiquer ta religion, tu as été créé pour ça. Tu existes pour ça. Si tu es préoccupé parce que tu passes du bon temps avec ta famille, etc., en dehors de ça, et que tu négliges l'apprentissage de ces choses-là, tu es en train de délaisser quelque chose qui est wajib, quelque chose qui est obligatoire. Barakallahu fik. Et donc le neuvième point que nous allons aborder, c'est concernant une brève présentation de l'auteur. Qui est l'auteur de cette épître ? Thalathat al-usul. Le célèbre cheikh Mohammed, cheikh al-Islam, Mohammed al-Tamimi, rahimahullah. Premier point concernant cet individu, ce noble cheikh, cette personnalité scientifique, c'est le fait qu'il est né en 1115 de l'Hégire. Pour rappel, nous sommes en 1444. Afin de pouvoir vous situer, nous sommes en 1444. Il est né en 1115 et il est mort en 1206, rahimahullah. Son père s'appelle Abdul Wahhab. Son grand-père s'appelle Suleyman. Son arrière-grand-père s'appelle Ali. Rahimahumullah. Et il est né dans la ville de Uyneina, dans la région du Najd, en Arabie Saoudite. Et son père et son grand-père étaient de grands savants. Dès son jeune âge, il fit de grands efforts quant à la mémorisation du Coran. Il fit des efforts dans la consultation et l'étude des livres de fiqh, c'est-à-dire les livres abordant la jurisprudence concernant la pratique cultuelle, l'adoration d'Allah. Il fit des efforts dans la consultation des livres de tafsir, les livres d'exégèse, c'est-à-dire les livres qui expliquent les sens des versets du Coran. Il fit des efforts dans la consultation et dans l'étude des livres de hadith, des livres abordant les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que le hadith, ça va englober ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit, c'est-à-dire la description physique et comportementale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il fit des efforts dans la consultation des livres de croyance. Et il était connu pour avoir un désir ardent, un désir insatiable, quant à la consultation des livres des deux cheikhs, Cheikh al-Islam al-Qayyim et Cheikh al-Islam al-Taymiyyah. Sachant que Cheikh al-Islam al-Taymiyyah a été décédé en 728 de l'Hégire, tandis que Ibn al-Qayyim est mort en 751 de l'Hégire. Rahimahumullah. Et d'autres parmi les savants de la communauté. Il étudia auprès d'un certain nombre de savants, d'un groupe de savants, parmi les savants de son époque. Des savants qui lui étaient des contemporains. Et Allah lui avait fait don, c'est-à-dire à Cheikh l'Islam Mohammed al-Tamimi, d'un esprit vif, d'une intelligence exceptionnelle. Et il fit beaucoup d'efforts dans la consultation des ouvrages. Il fit des efforts dans la recherche, l'écriture d'ouvrages. Il consignait les enseignements bénéfiques qu'il lisait au gré de ses lectures. Et ça, c'est un point important. Sachant que la biographie que je vous fais est une biographie que notre cher Khalid al-Dhafiri nous a enseignée. Dans son marquez, le marquez Ibn al-Qayyim. Mais là, j'ouvre une parenthèse concernant le fait de consigner les fawa'id. Il est important que lorsque tu étudies un livre, que tu consultes un livre, que tu étudies un livre, que tu aies un calepin, que tu aies un carnet dans lequel tu notes les fawaïd, afin que ces fawaïd, ces enseignements bénéfiques, restent avec toi. Et tu les revois, tu les révises. Et c'est également ce que nous avait conseillé notre cher, cher Salim Bamihriz, Hafidhahullah, qu'Allah lui accorde un prompt rétablissement, car le cher a été éprouvé dans sa santé. Hafidhahullah, il y a de cela quelques jours, quelques semaines. Hafidhahullah. Donc avoir un calepin, un carnet, que tu peux classer par sujet de fawaïd. Par exemple, un calepin pour un cahier pour un petit carnet pour les fawaïd de Aqidah, celle de Fiqh, un autre carnet pour celle de Fiqh, un autre carnet pour celle sur le Manhaj, mathalan. Ça peut être comme ça. Tu peux t'organiser d'une manière qui te convient. Mais il faut impérativement que, essentiellement, tu aies un moyen de répertorier et d'énumérer, de pouvoir consigner et revoir pour réviser et mémoriser les enseignements bénéfiques que tu prends au fur et à mesure des assises, afin que ces assises soient un investissement de temps qui soit rentabilisé à juste valeur, de la meilleure des manières. Car ton temps est la valeur la plus inestimable que tu peux avoir dans cette dunya. C'est parmi les choses les plus précieuses que tu possèdes dans cette dunya, ton temps. Ton temps dans cette dunya est limité. T'attends une demeure qui est éternelle, soit l'enfer, soit le paradis. Tu as une vie et une opportunité pour gagner le paradis, obtenir la miséricorde d'Allah, pour bénéficier de sa miséricorde et entrer au paradis. Qu'Allah me l'accorde ainsi qu'à vous. Et tu as une seule et unique opportunité pour te préserver de l'enfer. As-tu fait les causes suffisamment jusqu'à présent? Pose-toi la question. Et s'il le faut, remets-toi en question. Il faut prendre des notes. Il faut que cette science soit bénéfique, que cette science reste, et que cette science ait un impact positif dans ta vie. Barakallahu fik. Et, cher à l'islam, Mohammed al-Tamimi, rahimahullah, donc notez les fawaïd, les enseignements bénéfiques qu'il lisait au gré de ses lectures. Et il ne se lassait pas de la recherche et de l'écriture. Et il a même recopié à la main de nombreux livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim, de sa propre main. Et ces manuscrits, c'est-à-dire ces ouvrages qu'il a consignés et qu'il a fait de sa propre main, sont encore disponibles à notre époque. Et lorsque son père décéda, le Cheikh Abdul Wahhab, rahimahullah, lorsque son père décéda, il commença alors à propager son appel, c'est-à-dire l'appel à la sunna, à la sunna et au tawhid. Et il reçut l'aide de certains émirs. Parmi eux, l'imam Mohammed, l'émir Mohammed, le fondateur de la dynastie qui règne sur l'Arabie Saoudite à l'heure actuelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce pays, son gouverneur ainsi que ses gouvernés et ses ulema. Et donc l'imam Mohammed, Ibn Saoud, rahimahullah, lui a prêté main forte. Et donc le cheikh Mohammed al-Tamimi devint donc célèbre. Et les gens entendirent alors parler de lui et ses livres se sont transmis parmi les gens. Les gens commençaient à transmettre ses ouvrages et ses épîtres. Puis, après cela, prirent la relève ses élèves. Et ensuite les élèves de ses élèves. Et ainsi de suite jusqu'à notre époque. Et les gens se sont abreuvés de la science contenue dans ses livres. Et ils apprennent de ses ouvrages. Et son décès eut lieu en 1206 de l'Hégire. Et pour rappel, nous sommes en 1444. C'est-à-dire que c'était un peu plus de 200 ans. Lorsque le cheikh Mohammed al-Tamimi, rahimahullah, décéda. Qu'Allah lui fasse grandement bénéficier de sa miséricorde et lui rétribue de la meilleure des rétributions pour ce qu'il a fait pour l'islam ainsi que pour les musulmans. Et nous sommes, pour ainsi dire, tous redevables à ce cher, entre guillemets, du fait que nous avons bénéficié de sa science. Car qui d'entre nous n'a jamais étudié ou n'a jamais pu bénéficier dans sa croyance ou dans sa religion d'une faïda transmise par le cher à travers ses ouvrages? Nous avons tous bénéficié à une certaine échelle, pour la majorité d'entre nous, pour ne pas dire la totalité d'entre nous, nous avons tous à un moment donné de nos vies bénéficié de la science de ce cheikh, de son héritage scientifique, rahimahullah. Et le dixième point que nous allons aborder de façon concise, afin de ne pas déborder concernant le temps que nous avons décidé concernant ces assises, le temps d'une heure, bi'idhnillah, ce serait la présentation d'un noble savant, du noble cheikh, Al-Allama, Abu Abdelaziz, ceci est sa kunya, Ubayd ibn Abdillah, ibn Suleyman, ibn Ali, Al-Hamdani, Al-Jabiri, rahimahullah. Ce noble savant qui était un de nos contemporains, qui est décédé il y a de cela peu, rahimahullah, qui est né en 1357 et qui est décédé dans cette année, en 1444, de l'Égypte. Il décéda après avoir vécu 87 ans, rahimahullah. Le grand savant, le Cheikh Ubayd al-Jabiri, fait partie de la tribu de Jabir, qui fait partie de la tribu de Harb, originaire du Hijaz, c'est-à-dire de la région de Mecca et de la région de Mecca-Médine, la région du Hijaz. Il est né en Arabie Saoudite dans la localité de Médine en 1357, rahimahullah. À l'âge de 2 ou 3 ans, aux alentours de 2 ou 3 ans, il perdit la vue, rahimahullah. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordait une grande clairvoyance dans la religion. Vers l'âge de 8 ans, il partit avec son père et commença son apprentissage dans la religion. À environ 26 ans, il intégra l'institut du Darul Hadith de Médine. Puis il continua dans le Ma'had al-Ilmi, l'institut scientifique. Puis plus tard, il sortit diplômé de la faculté de Sharia de l'université islamique, dont il sortit diplômé à l'âge de 37 ans. Avec d'excellentes notes, il sortit premier de son groupe, c'est-à-dire qu'il fut le premier de sa promotion, rahimahullah. Et parmi les professeurs qu'il eut, par exemple, dans l'université islamique de Médine, le Cheikh Hamad ibn Mohammed al-Ansari, le grand savant du hadith d'origine malienne, le Cheikh Abdel Mursin ibn Hamad al-Abbad al-Badr, pour ne citer que lui. Et le Cheikh a eu un magistère, car en effet, parmi les fonctions qu'il a occupées en même temps qu'il fit ses études pour le magistère, il a enseigné pendant plusieurs années à l'université islamique de Médine. C'est-à-dire que le Cheikh, rahimahullah, a été imam dans une mosquée, dans une des mosquées de Médine pendant plusieurs années. Puis il a été enseignant dans le collège de Omar ibn Abdul Aziz pendant plusieurs années. Il a été prêcheur dans un centre de da'wah à Médine pendant plusieurs années. Et il a été ensuite, vers la fin de sa carrière scientifique, enseignant à l'université islamique de Médine pendant une période de 13 ans, suite à laquelle il prit sa retraite. Mais durant sa présence, durant laquelle il était enseignant à l'université islamique de Médine, il enseignait et étudiait en même temps et a obtenu un diplôme de son magistère dans le tafsir en même temps qu'il enseignait dans l'institut de l'université islamique de Médine. Le Cheikh est connu pour sa grande pédagogie, sa grande force scientifique, rahimahullah, et ses ouvrages sont des livres emplis de joyaux, de merveilles scientifiques. Qu'Allah le rétribue de la meilleure des manières, rahimahullah. En effet, le Cheikh, quiconque aura bénéficié d'un de ses livres, sera étonné du grand nombre d'enseignements bénéfiques que ces livres contiennent. Et donc nous avons choisi donc son explication, « Ithaf al-Uqul bi-sharhi thalathati al-usul » qu'on pourrait traduire modestement et approximativement par le cadeau octroyé aux intellects dans l'explication des trois principes fondamentaux. Et donc ce livre-là, on va l'étudier ensemble, bi-idhnillahi azzajal, et on demande à Allah de nous accorder la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, afin que l'on puisse mémoriser l'épître pour ceux qui ne l'ont pas encore mémorisé parmi nous, que nos frères se voient accorder la réussite, nos frères et nos sœurs, quant à la mémorisation de l'épître, quant à la maîtrise des définitions, des catégorisations, des divisions et des distinctions qui seront transmises à travers ces assises autour de l'explication du Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, et qu'Allah nous accorde de pouvoir faire en sorte que cette science nous soit bénéfique dans cette vie d'ici-bas et qu'elle soit en notre faveur yawm al-qiyamah et non pas contre nous. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection contre une science qui ne bénéficie pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit concernant le Coran, « Le Coran hujjatun laka ou alayk » Le Coran est une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. Qu'Allah nous accorde à tous la réussite dans l'accomplissement de ce qu'il aime et agréé à Azzawajal. Et donc avec ceci, nous arrêtons notre assise d'aujourd'hui. Barakallahu fikum. Et donc, la prochaine assise que nous accomplirons, bi-idhnillah, est une assise qui aura lieu mercredi. La assise de mercredi sera concernant le fiqh. Nous étudierons à cette occasion le livre Umdatul Fiqh, que nous avons déjà eu l'honneur d'étudier à travers les explications de notre cher Mohammed ibn Abdelrahman al-Durra parmi les mashayikh du Yémen. Mais nous allons recommencer le livre à zéro, en commençant avec le livre de la purification, qui sera suivi du livre de la Salah, ensuite du livre de la Zakah, du jeûne et celui du Hajj, et peut-être possiblement celui du commerce, avec les explications de Cheikh Ubayd al-Jabri, incha'Allah ta'ala. Et donc nous arrêtons là pour aujourd'hui dans l'assise de la Aqidah. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.